terre comme ça. J'ai les mains qui tremblent jusqu'en Alaska. T'as mis tout le temps à me prendre la tête, à essayer de faire mousser mes dettes. Pousser jusqu'au dernier soupir. Fait longtemps que j'ai le mal de vivre. Je me claque un si pack que je me sens bien tabarnak. Après ça, rallume-moi joint, mais j'essaie, j'en ai pas de besoin. Je transpire jusqu'au bad trip. Je t'attends, j'oublie, c'est fantastique. De se poser pour oublier les problèmes qui arrêtent pas de marche. Fais qu'il vient de faire tourner la tête. Pour moi, la vie, c'est toujours la fête. T'essayes d'endurer les problèmes. Et juste pour faire avancer, c'est plus sur les mêmes. Puis c'est à force de se faire parler que je commence tranquillement à réaliser que ta vie y'a pas juste une pénalité. Faut s'attendre toujours au pire, comme ça fait moi le cas, ça l'arrive. Des bad dogs, des TikToks, des heartbreaks, des friends tech. Mets ça en arrière, passe-moi dans la vierge, pas sûr de te connaître. T'es pourtant pas la seule être à vouloir me niaiser. Je sais que tu fais pitié, parler, jaser, niaiser, fourrer. Ça, je le fais, sans aucune pitié. À savoir, toi, t'es le trône à ma vie, tu me fais trop chier, t'as l'air d'un petit pipi. Puis je parle à mon cœur que l'autre a connu douleur. Un ami fidèle à moi qui me voit comme un roi de la malfaisance. Chaque personne, faut que je pense. C'est une bonne, c'est une mauvaise, puis je te viens, on fait la baisse. Je suis pas un gars même d'habitude, mais tu m'as poussé à bloc, grosse vie de chien sale. Tu m'as fabriqué une poc, ça tourne pas rond, j'ai touché le fond. C'est assez, je rage, pas capable de tourner la page. Puis je parle à mon cachet, un enfant qui avait l'air juste un peu innocent. Pas conscient de mes actes, puis j'ai fait un pack. Au démon de l'affaire, faut le faire. C'est lui qui me dit quoi faire, pas capable de passer comme une personne normale. Je vis dans un monde qui est paranormal. Les gens comprennent pas de la façon que je pense. La palette déjà un couteau, grosse vie de chienne sale. Je le prends, puis je te lance. C'est la vie qui m'achève, c'est la vie qui me parachève. Une tape, des années de vous entendre chialer. Faut que je mette du temps de côté pour moi. Mais j'ai plus le temps, moi j'ai plus le temps. T'as le temps de penser que ma vie c'est un crime. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je prends jamais de pause, je fais pas bien, je suppose. Assez enduré de problèmes, je parle des gens qui font que j'ai de la haine. Puis aussi une dernière chose, quand on pousse à bout, ouais on pousse à bout. J'ai la rage, la sang, je la sens, je la sens qu'elle vient. Je la ressens, je me sens plus bien. Après tu trouves j'ai un air de chien. Tu m'as pas vu fâché, c'est pas bien. Parti, ouais pas bien parti. Je sens la fin qui met en débris time. Ouais j'ai plus le time, perdu conscience, j'ai plus le time. J'ai plus le time. Parti, ouais pas bien parti. Je sens la fin qui met en débris time, j'ai plus le time, perdu conscience, yeah, j'ai plus le time, yeah. J'ai plus le time, j'ai plus le time, yeah. Perdu conscience, j'ai plus le time. Plus le time, j'ai plus le time, yeah. Perdu conscience, j'ai plus le time. Yeah.